les premiers jours sont déprimants et teintés de découragement. Je suis nul. Les profs même pas. Je comprends rien. Il faut capitaliser de l'énergie positive avant de commencer à aplanir le petit tas de terre initial sur lequel bute l'élève. Celui qui empêche de comprendre une notion. Celui qui lui empêche de revenir chez lui le soir, libéré de ses incertitudes et de ses hésitations. En classe, séance après séance, on aplanit collégialement la route vers la réussite de chacun et chacune, comblant les nids de poules qui déséquilibrent le convoi et rasant les bosses du chemin en soignant celles de l'âme. La classe charbonne, travaille laborieusement et transpire. La progression est tantôt douloureuse, tantôt effrayante quand on longe les précipices du découragement. La pente est prononcée, mais en confiance, le groupe avance à petits pas. Les élèves se relaient en premier de cordée pour mener le groupe vers le haut. Parfois, si l'un ou l'une des élèves pose un genou à terre, l'enseignant, en dernière position, prend le temps du soin, du baume au cœur pour qu'il se relève. Les 8 tableaux blancs disposés sur les 4 murs de la salle de classe sont, pour les élèves, autant de supports pour exprimer leurs doutes, accueillir leurs erreurs et déposer leur haine envers la discipline. En îlot de groupe, les élèves délibèrent, discutent âprement, conversent secrètement et conspirent contre toutes les erreurs de calcul récurrentes ou leurs techniques hésitantes. Monsieur, là, aujourd'hui, j'ai compris tous les cours. Dans le dernier épisode, nous aborderons les conditions de réussite des élèves.